Chapitre 52e. Cette lettre écrite, Clémence témoigna au marquis une froideur à laquelle celui-ci n'était pas habitué. Qu'avait-elle ? Il l'interrogea doucement. Elle répondit qu'elle n'avait rien et qu'elle était comme à l'ordinaire. Mais elle fit ses réponses d'un ton contraint, en pleine contradiction avec ses paroles. Cependant, malgré ses instances, le marquis ne put rien obtenir de précis. Et les jours s'écoulèrent sans amener de changement dans cet état pour lui inexplicable. Un soir qu'il lisait mélancoliquement dans son lit, il entendit frapper doucement à la porte de sa chambre. La demie après 11 heures avait sonné depuis quelques minutes déjà. Qui pouvait venir à 7 heures? Est-ce que ce serait... Mais il n'eut pas le temps d'aller plus loin dans son interrogation. La porte s'ouvrit devant Valérie. « Comment, c'est vous ? » s'écria le marquis. « Que voulez-vous ? Pourquoi entrez-vous ainsi sans que j'aie sonné ?» Le valet de chambre avait une contenance assez embarrassée. Cependant, si le marquis, au lieu de se laisser aller à la mauvaise humeur, avait pris la peine de le regarder d'un peu près, il aura vu que sous cet embarras, il y avait comme une sorte de contentement narquois. « Je prie, monsieur le marquis, de m'excuser, dit-il, si je viens le déranger à une heure aussi indue, mais c'est pour une communication que je crois importante. Vous moquez-vous de moi, monsieur Valéry ? Si monsieur le marquis veut bien m'écouter 2 minutes, il verra combien est sérieuse ma démarche. Il s'agit de l'honneur d'une femme. « Que dites-vous là ? » s'écria le marquis, que ce mot rendit attentif. « J'ai voulu, il y a quelque temps déjà, continua Valérie, faire à monsieur le marquis une communication relative à une personne d'ici, et monsieur le marquis m'a fort mal reçu. C'est là ce qui cause mon embarras aujourd'hui. Dépêchez-vous, je vous prie, et faites-moi grâce de toutes ces paroles, de toutes ces précautions oratoires. En 2 mots, dites ce que vous voulez dire. » « Il y a une échelle dressée contre le balcon de Madame Clémence, » dit le valet de chambre en prononçant lentement chaque mot. « Une échelle au balcon de Clémence !» s'écria le marquis, oubliant dans son trouble que pour lui elle devait être Madame Clémence. « Et un individu vient de s'introduire chez elle par cette échelle. » Le marquis sauta vivement en bas de son lit. « Quel individu ! » s'écria-t-il en passant un vêtement. « Ah, voilà, je ne sais pas son nom. Tout ce que je puis dire à monsieur le marquis... c'est que c'est un homme de taille moyenne, assez maigre, avec des moustaches noires. Il est jeune encore. En tout cas, à la façon dont il a dressé l'échelle, on peut dire qu'il est fort. Et à la façon dont il l'a gravi, on peut dire qu'il est souple. Vous l'avez vu alors ? Comme je vois, monsieur le marquis. Mais pour que monsieur le marquis comprenne comment cela s'est fait, il faut que j'entre dans quelques explications. Depuis que monsieur le marquis m'a donné ma liberté la nuit, j'ai l'habitude d'aller passer mes soirées à Mulsan, parce qu'il y a là une jeune personne qui m'attire. « C'est bien, allez, dépêchez-vous. »« Si j'explique cela, ce n'est pas pour me vanter, je n'ai pas besoin de cela. »« C'est pour que monsieur le marquis comprenne la marche des choses. »« Cette jeune personne me dit donc hier, dans la nuit, qu'un monsieur était arrivé de Condé vers 10 heures, et qu'il avait demandé le chemin du château après avoir mis son cheval à l'écurie, en disant qu'il le reprendrait à 4 heures du matin. »« Cela me parut assez louche, et à 4 heures, quand il vint prendre son cheval, je m'arrangeai pour le voir. » Alors j'aperçus l'individu dont j'ai fait le portrait à monsieur le marquis. Qu'était-il venu faire au château où il avait passé la nuit ? Qui était-il venu visiter ? Ce fut la question que je me posais toute la journée. Jamais l'idée ne me serait venue que c'était Madame Clémence, parce que... Enfin, la vérité est que je n'ai point pensé à elle. « Allez donc ! » s'écria le marquis, « vous m'exaspérez. » Ce soir, comme 11 heures sonnaient, je sors du château pour me rendre à Mulsan. Et voilà qu'au premier détour de la côte, je rencontre mon individu de la veille qui montait. Bien entendu, je fais semblant de ne pas le remarquer. Mais quand je suis assez éloigné, je m'arrête et reviens sur mes pas pour le suivre. Ce que je fais avec prudence et avec adresse, je puis le dire, puisqu'il ne s'aperçoit de rien. Au lieu de se diriger vers le château, il enfile le chemin des communs. Là, il prend l'échelle du grenier au foin et la mettant sur son épaule, tranquillement, sans aucune précaution, comme si tout cela se passait en plein jour, il revient vers le château. Devant quelle fenêtre allait-il poser son échelle ? Tout était sombre. Mais comme je m'adressais cette question, voilà celle de Madame Clémence qui s'ouvre. Il dresse son échelle, il monte, il enjambe le balcon et... il prend Madame Clémence dans ses bras. Le marquis ne put retenir un mouvement de fureur. « Alors, continua Valérie, j'ai pensé que je devais avertir, monsieur le marquis. C'est bien, sortez. » Comme le valet de chambre se dirigeait vers la porte, « Descendez au village !» continua le marquis. « Descendez ou allez vous coucher. ne vous mêlez pas de ce qui peut se passer ici. » Ainsi, cette froideur inexplicable s'expliquait maintenant. Elle avait un amant qui la venait voir chez lui. Pendant le récit de son valet de chambre, il s'était habillé. Vivement, il entra dans sa salle d'armes et décrocha une épée de la muraille. « Chez lui, chez lui !» Mais, prêt à sortir de son appartement et à monter à la chambre de Clémence, qu'il se ferait bien ouvrir, dut-il enfoncer la porte, une réflexion le retint. Cette chambre joignait celle de Denise. De l'une, on entendait ce qui se passait dans l'autre. Devait-il rendre cet enfant témoin d'un pareil scandale? De quel droit pénétrera-t-il chez Clémence et provoquerait-il son amant? Aux yeux du monde, il n'en avait qu'un, la chasser. Mais dans ce cas, Denise devait ignorer le motif de ce renvoi. Il est des choses qui ne doivent pas effleurer les oreilles d'une jeune fille. Alors, renonçant à son premier dessein et remettant l'épée où il l'avait prise, il ouvrit doucement une porte-fenêtre qui donnait sur l'esplanade. Valérie ne l'avait pas trompé. À la clarté douteuse de la lune voilée par un nuage sombre, il aperçut l'échelle dressée contre le balcon de Clémence. C'était vrai, elle avait un amant, et cet amant était près d'elle. Il s'éloigna rapidement de quelques pas dans la direction du parc. La tentation de monter à cette échelle, d'entrer dans cette chambre et de les jeter l'un et l'autre par cette fenêtre était trop forte. Il voulut se mettre dans l'impossibilité d'y succomber. Il fallait que la distance à parcourir donnât le temps à la réflexion de l'arrêter. Il se mit alors à marcher en long et en large sur l'esplanade, ne quittant pas ce balcon des yeux. Les fenêtres de Clémence étaient sombres, comme toutes celles du château. Tout le monde dormait, eux seuls exceptés. Ainsi, elle l'avait trompé, elle avait un amant, un amant, un amant. Ce mot lui revenait sans cesse sur les lèvres, et il le prononçait tout haut, machinalement, sans se rendre compte de ce qu'il faisait. Alors pourquoi lui avait-elle dit qu'elle l'aimait? Pourquoi ses protestations de tendresse? Pourquoi ses élans passionnés? Menteuse, trompeuse, comme toutes les femmes, il l'avait adorée et il l'adorait. Jamais il n'avait senti comme en ce moment combien elle lui était chère. Ce n'était pas un caprice qu'il éprouvait, ce n'était pas un amour plus ou moins léger, c'était une passion profonde. Des pieds à la tête, par l'âme, par l'esprit, par la chair, il était à elle tout entier. Et en ce moment même, derrière ses vitres, dans les bras de son amant, elle riait de lui peut-être. Sur l'esplanade, il tournait et retournait dans un cercle restreint, comme dans sa tête brûlante, ses idées tournaient sur un même objet. Quel pouvait être cet amant ? Il se mit à chercher parmi les hommes qui, en ces derniers temps, étaient venus au château. Mais ce n'était point une personne connaissant rudement, puisqu'à l'auberge il avait demandé le chemin du château. Qui alors, qui? Les heures de la nuit s'écoulèrent pour lui, lentes et cruelles, dans cette angoisse. Elle frappait lentement, et dans ce silence, elle lui tombait sur le cœur. C'était donc possible, cette Clémence si tendre, cette Clémence si charmante le trompait. C'était fini, fini leur projet, fini leur amour. Il ne verrait plus ses yeux caressants se plonger dans les siens. Ah, comme il l'aimait! Une lassitude le prit, une faiblesse du cœur, plus encore qu'une fatigue physique. Fini, c'était fini! Il alla s'asseoir sur un des bancs qui, de place en place sur l'esplanade, était abrité sous des ifs taillés en parasol. Il était là, en face de ses fenêtres, et devant ses yeux, il y avait une affreuse échelle. Le vent avait balayé les nuages et la lune éclairait la façade du château d'une pure lumière. Dans le silence de la nuit, on entendait les chants des rossignols qui de loin en loin se répondaient. Non, non, ce n'était pas possible. Mais l'échelle était là. Les heures se succédèrent, la nuit s'écoula, l'horloge sonna trois coups. Le matin allait venir. Déjà du côté de l'Orient, l'aube blanchissait la cime des collines. Le brouillard, comme un long serpent blanc, s'élevait au-dessus du cours de la rivière. Des prairies montaient des mugissements de bœufs et dans les massifs du parc s'éveillaient des chants d'oiseaux. Insensible à la fraîcheur qui transperçait ses vêtements, le marquis ne quittait pas la fenêtre des yeux. C'était le moment où sans doute allait paraître celui qui venait d'étouffer son bonheur. Qui ? Tout à coup la fenêtre s'ouvrit et une forme blanche se montra sur le balcon. Enfin ! Le marquis se leva. Il était noyé dans l'ombre de l'if, tandis que le balcon était frappé en plein par la lumière naissante. Une forme noire parut derrière Clémence. C'était bien l'homme que lui avait décrit Valérie. Mais comme il avait relevé le collet de son paletot pour s'abriter du froid, et comme il portait un chapeau de feutre à bord assez large, le marquis ne put voir son visage. D'ailleurs, presque aussitôt, il se retourna pour prendre Clémence dans ses bras et l'embrasser. Puis, vivement, il enjamba le balcon, mais dans ce mouvement, il accrocha son chapeau qui tomba. Et le marquis, qui déjà s'élançait de son abri, reconnut le capitaine Beaujonnier, son mari. Il s'arrêta, frappé de stupéfaction. Pendant ce temps, le capitaine avait touché la terre. Alors, ramassant son chapeau, il chargea l'échelle sur son dos et se dirigea vers les communs. Penchée au-dessus du balcon, Clémence le regarda disparaître. Puis, s'étant relevée, elle promena lentement en regard circulaire sur l'esplanade, et n'ayant rien vu sans doute, elle rentra dans sa chambre dont elle ferma la fenêtre.